Now here's the first part of the scene in the bookshop again, followed by the next part. Que désirez-vous? Nous cherchons un dictionnaire français-anglais. Un dictionnaire français-anglais. Voilà le plus récent. Il est très utile. Ooh, that's a bit big. I think I need something smaller. Je suis désolé, monsieur. Ce dictionnaire est peut-être très utile, mais il est trop gros pour nous. Nous cherchons quelque chose de plus petit. Plus petit? Voyons... Ah, oui, voici un petit dictionnaire. Il est assez récent aussi. That's much better. Merci, monsieur. C'est bon. Maybe a phrase book would be useful too. You know, everyday expressions and so on. C'est une bonne idée. Et nous cherchons aussi un livre avec les phrases les plus utiles. C'est pour monsieur. Alors là, pas de problème. Ici, j'ai un guide des expressions pratiques pour les touristes anglais ou américains en France. Et c'est assez petit.